بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 21 بعد 100. 121 question. يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الكلمة الله غير ماد. Donc l'auteur a été interrogé à propos de cette parole qui est de dire que Allah n'est pas, on va dire, une matière, n'est pas palpable. فأجاب رحمه الله تعالى القول بأن الله غير مادي قول منكر لأن الحوض في مثل هذه بدعة منكرة. Donc il dit, dire une telle parole, c'est une chose qui est mauvaise, car il ne convient pas de parler dans ce genre de sujet. Cela est une innovation. Parler dans ce genre de choses est une innovation. فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو الأول الخالق لكل شيء. Car Allah n'y a rien qui est comme lui. Il est le premier, c'est-à-dire son précédent, et celui qui a créé toute chose. وهذا شبيه بالسؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم هل الله من ذهب أو من فضة أو من كذا وكذا. Et cela ressemble à ce que les mouchrikoun ont dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lorsqu'ils lui ont dit est-ce que Allah plutôt, est-ce que ton, dans la question c'était est-ce que ton Dieu à qui tu m'appelles est un Dieu en or ou en argent ou en bronze et autres. D'ailleurs Allah Azza wa Jal a lancé sur celui qui avait dit cela la foudre. Il était foudroyé pour cette parole. وكل هذا حرام لا يجوز السؤال عنه وجوابه في كتاب الله تعالى. Donc tout cela c'est illicite. Il n'est pas permis d'interroger à ce sujet-là. Et la réponse se trouve dans le verset, dans les versets où Allah il dit à sourate plutôt où Allah il dit قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dit il est Allah le seul, il est l'unique, qui n'a pas été enfanté et n'enfante pas, il n'y a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Donc il a dit, cesse cela et ce genre de questions. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'a cité qu'il n'est pas permis de réfléchir, de méditer sur l'essence d'Allah. Car c'est une chose qui nous dépasse. Allah Azza wa Jal, on ne parle de lui que par ce dont il nous a informé dans son livre et à travers la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui concerne justement ses noms, ses attributs et cela. On ne doit en parler qu'avec une preuve. Ce qu'il n'a pas dit, on n'a pas à en parler. Ce qu'il n'a pas dit, on n'a pas à en parler. ثم قال في السؤال 22 بعد المئة سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قولهم المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من عدم. Donc il est interrogé le cheikh rahmatullah alayhi au sujet de la parole qui est que la matière ne disparaît pas ni ne se termine ni n'a été créée à partir de néant. Et ça ressemble à une parole des kuffars. Ils disent que rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme. Ils ont un kalam dans ce sens-là. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى أَلْقَوْلُ بِيَنَّ الْمَدَّ لَا تَفْنَى وَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ مِنْ عَدَمْ كُفْرٌ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُولَهُ مُؤْمِنٌ. Donc il a dit ce genre de parole, c'est-à-dire que la matière ne disparaît pas et qu'elle n'a pas été créée à partir du néant, cela est de la mécréance. Il n'est pas possible qu'un musulman puisse dire cela. Un croyant puisse dire cela. فَكُلُّ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سِوَى اللَّهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ عَدَمٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Et donc tout ce qui se trouve entre, dans les cieux et dans la terre, en dehors d'Allah, est une création qui était précédé par le néant. Comme Allah dans le sens où il dit, Allah est le créateur de toutes choses. وَلَيْسَ هُنَاكْ شَيْءٌ أَزَلِيٌ أَبَدِيٌ سِوَى اللَّهِ. il n'y a rien qui existe dans l'éternité, c'est-à-dire de son début jusqu'à sa fin, si ce n'est Allah. Une chose qui n'a pas été précédée par le néant, et une chose qui ne sera pas suivie par le néant. Du début à la fin. Il n'y a rien en dehors d'Allah Azza wa Jal, chose de la sorte. Amma kounuha la tafna, fa in ana bi zalika anna kulli shay'in la yafna li dhatihi, fa zaidan khata, wa laysa bi sawab. Et également le fait de dire que rien ne disparaît par lui-même, cela également est une erreur. Ce n'est pas correct. لِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْفَنَى. Car toute chose qui existe est amenée à disparaître. وَإِذَا أَرَادَ بِهِ أَنَّ مِنْ مَعْلُوقَاتٍ مَا لَا يَفْنَى بِإِرَادَةِ اللَّهِ فَهَذَا حَقٌّ فَالْجَنَّةُ لَا تَفْنَى وَمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ لَا تَفْنَى وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَفْنَوْنَ وَأَهْلُ النَّارِ لَا يَفْنَوْنَ. Par contre, s'il veut dire qu'il y a des choses qui ne disparaîtront pas, et cela par la volonté d'Allah, alors cela est réel, cela est vrai. À l'exemple, par exemple, du Jannah, le paradis ne disparaîtra pas. Et tout ce qui s'y trouve comme délice ne disparaîtra pas. Et les gens du Jannah ne disparaîtront pas. Tout comme les gens du feu ne disparaîtront pas. Mais ça rentre dans quel crisme, dans quelle chose, dans les choses qui ont été précédées du néant, puis deviendront éternels par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais ces choses-là, à la base, elles ont un début. Elles ont un début. Comme on l'expliquait, la seule chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah peut être qualifié d'une chose, comme étant une chose. Qul ayyushin akbaru shahada, qul illah. Dans le sens où il dit, quelle chose est le plus grand témoignage, dit c'est Allah. Donc Allah s'est décrit lui-même comme étant une chose. Cela se dit. قال لكن هذه كلمة مطلقة المادة ليس لها أصل في الوجود وليس لها أصل في البقاء هذا على إطلاقها كلمة إلحادية فنقول المادة مخلوقة من عدم فكل شيء سوى الله فالأصل فيه العدم. Donc le fait de dire cette parole dans l'absolu que la matière n'a pas d'origine dans la présence, dans l'être, et ni dans Kazalik, comment traduire cela? Je ne sais pas comment traduire cela. Dire qu'en fait que la matière, comme on l'a dit un peu au début, que rien ne se crée, que rien ne disparaît, et que tout se transforme, en fait. Donc il dit, cela dans l'absolu, c'est une kalimate, il hadiya, c'est-à-dire une parole mécréante comme celle des athées. Comme celle des athées. Donc on dit que la matière est une création et qu'elle est venue du néant. Et toute chose en dehors d'Allah Azza wa Jal, son origine est le néant. C'est-à-dire c'est des choses qui étaient inexistantes. Tout cela en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما مسألة الفناء فقد تقدم التفصيل فيها والله الموفق. Et quant à la chose, le fait que les choses disparaissent, sont amenées à disparaître, alors on en a déjà parlé en détail dans ce qui a précédé dans la réponse. وهكذا. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.